crois à mon formulaire et mes sévères dans tes cellulaires. Pas d'efficacité sans unité. Formons notre société dans la société. Au lieu de ça, toi tu t'exposes, ouais. Et comme une bombe, la vie t'explose. Ose me dire qu'aujourd'hui t'as pas compris. J'augmente la dose dans mes lyrics, dans mon entourage. Y'a des traites, des lances, pas des gens comme ça qui dès leur plus jeune âge s'exercent à des missions de sabotage. Reste à chacun de faire sa part de nettoyage. Je persiste, suis la piste de l'afro, le pénis, fils par trop simpliste et défaitiste. Agrandis la liste, miss des choses qui m'attristent. Consulte tes archives, sois réaliste. Atterris le pacifiste légendaire. Martin King Luther a fait de beaux rêves. Mais moi, comme Descartes, je préfère rester terre à terre. Rien ne sert d'oublier que l'on vit dans la misère, celle qui pèse dans le regard de nos pères, qui ressemble à celle des fonctionnaires qui se dispensent lâcher du cash au sans-emploi, pensant qu'ils se brûleraient les doigts. C'est vrai que moi-même je ne donne pas à certains, nourri au sein de mes cacolas. C'est certain, je n'ai pas de temps à perdre, tant de choses à faire avec mes frères qui sans cesse m'exaspèrent. Fais tourner la circulaire, frère fier, reste intègre si tu veux faire partie de ma paix. Remplis ce formulaire, fais tourner à tous tes frères, coopère, adhère. Fais tourner la circulaire, frère fier, reste intègre si tu veux faire partie de ma paix. Remplis ce formulaire, fais tourner à tous tes frères, coopère, adhère. Mais où étions-nous pour ces 47 Zaïrois rapatriés et de surcroît ligotés, ramenés à l'état d'animal sans aucun droit? Moi qui voyais la France comme terre des droits, des droits de l'homme, on nous les gomme, on nous sodome. Cesse donc d'être la pomme de Babylone. On démolit des tours de béton, crée de nouvelles associations. Les médias font de brèves apparitions dans notre monde. Rares sont les noirs et arabes admis en classe de seconde. Garçons, tous ne sont qu'une nouvelle forme de compassion. Cela ne changera en rien notre condition. La détermination qui m'anime avive ma passion. L'insoumission à laquelle j'appelle ma nation est la première forme de mes agressions. Et au diable d'intégration, mon rêve se réalisera-t-il de nous voir tous unis en force aux portes de la mairie? Oublie le boycott politique, opte pour le vote aussi efficace qu'un passing shot. Libère-toi de toutes ces formes de menottes et goûte à mon antidote. Fais tourner la circulaire, frère fier, reste intègre si tu veux faire partie de ma paix. Remplis ce formulaire, fais tourner à tous tes frères, coopère, adhère. Fais tourner la circulaire, frère fier, reste intègre si tu veux faire partie de ma paix. Remplis ce formulaire, fais tourner à tous tes frères, coopère, adhère.